Le coffret par André Theuriet. Dans certaines de nos provinces de l'Est, les mieux cultivées, les plus ouvertes en apparence à la civilisation, il existe encore des coins d'une sauvagerie absolument primitive. Tels étaient, il y a quelques années, les friches qui s'étendent entre Vivet et Groncet le château. Ce plateau, l'un des plus élevés de la montagne langroise, forme le point de séparation des eaux qui descendent vers l'océan ou vers la Méditerranée. À l'époque dont je parle, il était presque entièrement inculte et dépourvu de chemin. Ses ondulations grises et pierreuses fuyaient à perte de vue, uniquement coupées de loin en loin par d'antiques murgées ou par de rares buissons d'aubépines centenaires. À l'une des extrémités de cette lande revêche, les eaux de Til ont creusé un étroit vallon au revers duquel s'étagent les masures de Villemerie, un pauvre village perdu dans la montagne et que de vagues sentiers, frayés par les bûcherons et les pâtres, reliaient seuls alors au chef-lieu de canton. Les habitants, coupeurs de bois ou braconniers pour la plupart, y vivaient isolés du reste du monde. Le piéton, porteur de lettres, ne les visitait que de deux jours l'an, et encore, en hiver, par les temps de neige, on restait des semaines sans voir surgir du chemin creux sa blouse bleue à collet rouge. On y vivait replié sur soi-même. Les usages, les superstitions, le patois du temps jadis s'y conservaient inaltérés, ainsi que des momies sous les voûtes d'un hypogée. Les propriétaires de la gentilhommière, dont les tourelles, en forme de pigeonniers, dominaient le cours de la rivière, avaient l'esprit aussi arriéré que les simples boquillons nichés sous leurs toitures de pierre plate. Cette bâtisse du XVIe siècle, qu'on appelait le château, avait été occupé pendant longtemps par un vieil original, nommé M. de Beaucharmois, puis par sa veuve, à laquelle il en avait légué l'usufruit, la nue propriété ayant été réservée à un arrière-neveu, unique héritier collatéral du précédent possesseur. Guy de Beaucharmois, l'arrière-neveu en question, plus connu sous le nom du petit Beaucharmois, courait sur ses 25 ans et partageait ses loisirs entre la Côte d'Azur en hiver, Paris au printemps et les villes d'eau en été. Il jouissait, près de ses demoiselles, de la réputation d'un aimable fêtard, et mangeait en leur compagnie une bonne part de ses revenus. Le reste passait au baccarat ou à la roulette. Or, un matin, à Monte-Carlo, tandis qu'il s'éveillait à ses maussades à la suite d'une forte culotte attrapée la veille aux 30 et 40, on lui remit une lettre recommandée qu'il déchiffra tout en dégustant son chocolat. Après quoi, il sifflota l'air des petits pavés et sa figure s'épanouit. Par cette lettre, le notaire de Grancey lui mandait que la veuve de Beaucharmois était morte d'une pneumonie en son château de Villemerie et l'invitait, par suite du décès de l'usufruitière, à se rendre là-bas pour assister à la levée des scellés et prendre possession du domaine dont il se trouvait maintenant le plein propriétaire. Ce domaine se composait de la gentilhommière mentionnée plus haut et de 5 hectares de forêt. « Voilà qui tombe à pic, » songea le petit Beaucharmois, sans donner une larme à la défunte qu'il n'avait jamais vue. « Je vais filer à Villemerie par les bois rapides. Qui sait, je trouverai peut-être dans le pigeonnier de mon grand-oncle quelque aubaine inattendue. » Le bonhomme était économe et devait cacher de l'argent dans ses vieux bas. Dans tous les cas, je lessiverai son pigeonnier et ses bois au plus vite et je reviendrai ici avec la forte somme. Donc, un soir de novembre, Guy de Beaucharmois, bien emmitouflé dans une chaude fourrure, prit le rapide, s'arrêta à Dijon pour déjeuner, se transborda dans le petit chemin de fer 10 sur Tille et débarqua, au coucher du soleil, à la station de Solonget, où il avait commandé une voiture par dépêche. Là commençait la portion la moins agréable du voyage. De Solonget à Villemerie, il y a 3 bonnes lieues de pays par des chemins de traverse. La voiture était une carriole suspendue sur l'essieu, traînée par un cheval de labour, et Guy fut durement cahoté dans les ornières où les roues entraient parfois jusqu'au moyeu. Par-dessus le marché, la nuit tombait et une bise piquante balayait le plateau où l'on entendait à distance de lugubres hurlements qui semblaient sortir des bois lointains. « Voilà, dit Guy au conducteur, des chiens qui aboient étrangement. »« Ce ne sont pas des chiens, répondit l'autre. « Ce sont les loups qui commencent leur musique. » Le petit Beaucharmois n'en menait pas large. il ordonna au cocher de presser l'allure de son cheval. Celui-ci ne lui obéit que trop, car dans une sorte de raidillon qui descendait sur Bill Murray, la bête buta, et la carriole versa dans le fossé le voyageur et le conducteur. Ils en furent quittes pour la peur. Le village était proche, et Guy gagna clopin-clopant le château, où il fut reçu par une vieille paysanne en coiffe noire, qui cumulait les fonctions de femme de charge et de gardienne des scellés. Elle l'attendait et le conduisit dans une chambre haute, où il trouva une claire flambée et une table servie. Le souper était passable, le vieux bourgogne de la cave avanculaire se laissait boire. Beaucharmois, suffisamment réconforté, se coucha dans un grand lit à colonnes qui ressemblait à un corbillard, où il dormit comme une souche. Le lendemain matin, il apprit, en se réveillant, que le notaire et le juge de paix venaient d'arriver. On procéda rapidement à la levée des scellés. Quand cette formalité fut terminée, Guy retint le tabellion et le juge à déjeuner, et tout plein de son sujet, leur communiqua son intention de vendre immédiatement et au plus offrant le château, ainsi que les bois qui en dépendaient. À ces questions sur la valeur des propriétés dans le canton et sur la possibilité de trouver promptement acquéreur, le notaire cligna ses yeux narquois et fit une grimace qui résumait malicieusement la médiocre estime où il tenait le petit Beaucharmois et le peu de confiance que lui inspirait l'opération proposée. « Monsieur, dit-il, pour ce qui est du château, dont le délabrement exigerait de grosses réparations, vous ne trouverez pas amateur dans notre pays. Quant à vos bois, ils ont notablement perdu de leur importance. Depuis quelques années, ils sont mal surveillés. Les délinquants ont pris l'habitude d'y aller en maraude. Ils y ont pratiqué clandestinement des coupes blanches, ainsi que vous pourrez vous en assurer à votre première visite. Il vous faudra attendre 10 ou 20 ans avant d'en tirer un sou. » Après avoir donné cette consultation d'une voix aiguë et nette, le notaire interrogea du regard le juge de paix. Celui-ci opina du bonnet, puis tous deux, ayant bu leur café, saluèrent Beaucharmois et reprirent pédestrement le chemin du chef-lieu. Resté seul et fort désenchanté, Guy parcourut avec mélancolie le château, de haut en bas. Il conservait le romanesque espoir d'y découvrir quelques trésors cachés. Il sondait les murailles, visitait les meubles, scrutait les placards, fouillait les tiroirs, mais en vain. Il ne collectionnait que des vieilleries et des objets sans valeur. Déconvenu et fourbu, il était rentré tristement dans sa chambre à coucher et il en auscultait pour la seconde fois les murs, lorsqu'en dérangeant un secrétaire, il aperçut, par derrière, la serrure d'un placard pratiqué dans la paroi lambrissée. Il réussit à l'ouvrir et eut un geste de joyeuse surprise en y constatant la présence d'un coffret de marqueterie hermétiquement clos et solidement rivé par sa base à la menuiserie du placard. Son imagination flamba immédiatement comme un feu de paille. Plus de doute, il avait mis la main sur le magot rêvé. Il sonna la vieille chambrière et se fit apporter tous les trousseaux de clés existants au logis. Après de fiévreux et infructueux essais, une petite clé rouillée s'adapta enfin à la serrure, y joua avec un grincement de bon augure et tout le couvercle céda. Le coffret, doublé à l'intérieur d'une étoffe de soie couleur réséda, ne contenait qu'un écrin de maroquin vert, plat et oblong, semblable à ces étuis où l'on renferme des couteaux. « Des diamants, peut-être, » se dit Beaucharmois, en palpant l'écrin et en le transférant avec un battement de cœur sur une table, en pleine lumière. D'un coup sec, il fit sauter le couvercle, ouvrit la boîte et proféra un juron si énergique que la vieille servante en tressauta et se signa scandalisée. Sur un capiton de velours grenat, 11 minuscules paquets d'une matière parcheminée s'étendaient méthodiquement. À chaque petit rouleau était fixée une étiquette. Guy déchiffra rageusement la première de la rangée. Elle portait « Nombril de Pierre de Beaucharmois, né le 21 mai 1730 ». Cette étrange nomenclature se répétait pour chacun des Beaucharmois mâles nés dans l'intervalle. Le dernier rouleau était étiqueté du nom du grand-oncle de Guy, Eustache de Beaucharmois. « Qu'est-ce que ça signifie ? » demanda-t-il furibond à la domestique qui écarquait les yeux. « Ma fille, monsieur, répondit-elle, c'est des drôles de reliques, et ce que vous avez du mieux à faire est de les remettre en place. Voyez-vous, c'est un vieil usage du pays. Quand un garçon naît dans une famille, on noue le bout du cordon qui vient d'être détaché. On le garde soigneusement, et quand l'enfant a 7 ans, on le lui donne à dénouer. S'il réussit à défaire le nœud, c'est signe de chance pour toute sa vie. « C'est idiot !» grogna Beauchard moi. « Allez, je n'ai plus besoin de vous !» Demeuré seul, il saisit violemment les crins, et il se disposait à tout jeter au feu, quand une réflexion de joueur le retint. « Tout de même, » pensa-t-il, « ça ferait un fameux fétiche. » Il réintégra pieusement les 11 nombrils dans la boîte oblongue, l'enferma dans sa valise, et repartit le lendemain matin pour Monte-Carlo. « Mon cher, » confiait-il 15 jours après à son ami des Écharoy, auquel il avait conté l'histoire, « on dira ce qu'on voudra. Il y a des amulettes dont la vertu est indéniable. Depuis que je porte sur moi les 11 nombrils de mes ancêtres, j'ai planté 10 fois sur le 17 et ça n'a pas raté. Chaque fois il est sorti. Je gagne tout ce que je veux. » C'était Le Coffret par André Theuriet.